16-41, exercice test, forme verbale. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez. Tu vas à Chartres? Et vous écrivez. Non. Vous allez à Chartres, vous? 1. Tu comprends. 2. Tu veux venir? 3. Tu peux venir? 4. Tu dois venir? 5. Tu sais l'heure qu'il est? 6. Tu essaies? 7. Tu connais Marie-Laure? 8. Tu viens? 9. Tu tiens le bateau? 10. Tu vois? 1994, Yale University.